cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. ماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ تفضل. أخذنا في درسنا الأخير اسم السميع الشكير والشكور. اسم السميع والشاكر. ما الدليل على اسم السميع؟ تفضل. قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، إن الله كان سميعا بصيرا. قال رحمه الله: الشهيد، هذا الاسم تقدم معنا قبل أيام مع اسم الرقيب. الشيخ سعدي رحمة الله عليه، on avait lu son كلام sur l'explication de ce nom et اسم الرقيب. أما الدليل على هذا الاسم تقدم قوله عز وجل: والله على كل شيء شهيد. قال رحمه الله: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء أو بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع الأشياء. الله سبحانه وتعالى il voit tout, il sait tout, il entend tout. فهو شهيد على جميع هذه الأشياء الموجودات الكبيرة والصغيرة، les grandes créatures ou les petites. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. وهذا on répète, on l'a détaillé ensemble ولله الحمد عند اسم الله عز وجل الرقيب. والثمرات c'est les mêmes, on les avait cités. قال رحمه الله: الصبور. اختلف العلماء في ثبوت هذا الاسم. Les savants de la sunna, ils ont divergé. Est-ce que الصبور c'est un nom parmi les noms d'Allah عز وجل ام لا؟ فالشيخ سعدي رحمه الله تعالى أثبته، وكذلك الإمام ابن القيم وكثير من أئمة السنة عليهم رحمة الله جميعا أثبتوا هذا الاسم. d'autres savants ما أثبتوه. قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، سئل هل اسم الصبور ثابت لله عز وجل؟ فقال عليه رحمة الله: ما أعرف فيه شيئا، ما أتذكر فيه شيئا، لكن كونه يعد من الأسماء الحسنى هذا يحتاج إلى حديث. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إلى répondu أنه il connaît pas de دليل على هذا الاسم. ثم إلى informé أنه لابد من دليل. تقدمت معنا القاعدة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أي pour dire que الله سبحانه وتعالى il a tel nom, on est obligé d'avoir un dalil من القرآن أو من السنة. أما في القرآن فلا شك يا بد دليل. أما في السنة فالذين أثبتوا هذا الاسم استدلوا بحديثين. الأول تقدم معنا كثيرا حديث سرد الأسماء الذي رواه الإمام الترمذي وغيره، إلى ضعيف. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إلى آخره. ثم الراوي لا إلى rapporté أو إلى cité des noms 99 نوم، et parmi ces noms إلى cité هذا الاسم. وتقدم معنا كثيرا أن هذا الحديث il est ضعيف. Donc on ne peut pas le prendre comme preuve, comme argument pour dire que parmi les noms d'Allah عز وجل الصبور. هذا أولا. ثانيا استدلوا بالحديث الذي ذكره الشيخ سعدي رحمه الله، فنقرأ كلامه. قال رحمه الله: الصبور مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. هذا الحديث إلى صحيح أخرجه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الحاشية. دونك حديث إلى صحيح, لكن هذا الحديث يبقى لفظ الصبور. قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر, وبعض العلماء قالوا لا أحد أصبر سامونتك الله الصبور ولا أحد أصبر من الله. Et personne n'a plus de patience que Allah Azza wa Jal. Donc ils ont déduit que Allah c'est As-Sabur parmi ces noms. Wa ba'd al-ulama qalu hadha fihi ithbat al-wasf. Ithbat al-wasf anna min sifat Allah Azza wa Jal as-sabr. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, as-sabr, la patience. Et personne n'est plus patient qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha al-qawl al-thani c'est sahih. Wallahu a'lam. Anna ism as-sabur, il faut un dalil, un nos, comme a dit l'imam Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Donc, à conclusion de هذا الكلام, أن لا نعلم دليلا على ثبوت هذا الاسم الصبور, et لا شك أن صفة الصبر فثابتة بهذا الحديث. Donc, هذا الكلام qu'on va lire من المؤلف rahmatullah alayhi, mais nous, c'est par rapport à la sifa. Amma le ism, le nom, il faut un dalil. Et ce dalil, il n'est pas clair fi thubut l'ism, il est clair fi thubut al-sifa. C'est un argument, c'est une preuve pour l'attribut. Amma le nom, l'istidlal fi hi nadari, ba'd al-ulama, bel a'imma, kibar, kal imam ibn al-qayyim, al-shaykh Sa'di et d'autres, athbatu ahad al-ism. Fallahu a'lam. Qala, رحمه الله وبما ثبت أيضا في الصحيح أن ندخل دليل إلى ستي رحمة الله عليه. قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث كذلك إلى صحيح في صحيح البخاري. وبعض العلماء ils ont cité هذا كذلك pour renforcer الاستدلال. وإلا في هذا الحديث le deuxième il n'y a pas لفظ الصبر ولا لفظ الصبر, لكن وجه الاستدلال أن certains êtres humains ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'accusent كذباً وزوراً أنه عز وجل il a un enfant, et ça montre, et c'est ça وجه الاستدلال, أن الله سبحانه وتعالى يصبر على هؤلاء comme dans le premier hadith يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. Et ils prétendent أن الله عز وجل il a un enfant. Et بعضهم كما لا يخفى ils insultent Allah عز وجل, بعضهم ils se moquent, بعضهم ينكرون وجود الرب ملاحدة, ils disent que le créateur il n'existe pas, لا يؤمنون بالخالق عز وجل ومع هذا الله سبحانه وتعالى يعافيهم, بعضهم ils tombent malades et Allah il les guérit, بعضهم Allah سبحانه وتعالى il leur donne كثيرا من الأموال والأولاد. Donc ça montre صبر الله سبحانه وتعالى. Si tu as compris هذا, سيتبين لك بوضوح le lien entre اسم الصبور et الحليم. Qui c'est qui nous répète معنى الحليم؟ هو الذي تفضل هو الذي لا يعجل بالعقوبة. يعجل أي il ne se précipite pas à châtier ses serviteurs. Malgré que بعضهم il l'insulte, il se moque, لا يؤمنون, Allah subhanahu wa ta'ala il donne un temps au ibad. C'est le halim. As-sabur c'est vi hadha le ma'na ou qarib min. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a un kalam tawil et il démontre al-farq parmi les furuq qu'il a cité, anna al-halim c'est as-sifa الحلم الصفة والصبر الفعل. Et d'autres kalam qu'on lira pas هنا. لأن ça serait trop long et ربما ça compliquerait قليلا. الذي يريد هذا الكلام فيستفيد منه من كلام القيم. نحن ce qui nous intéresse هنا أولا أن الاسم لبا ثابت والله أعلم يحتاج إلى دليل. ثم المعنى سيأتي من كلام الشيخ سعدي رحمه الله، لكن في الحقيقة يغني عنه اسم الحليم. هنا اسم ثابت صحيح كي يتسيطي بلجوغ في القرآن الكريم اسم الحليم. فقال رحمه الله: والله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي. الله سبحانه وتعالى يرزق المطيع والعاصي. المطيع سيسلوي كيف الطاعة، أهل الطاعة أي المؤمنون الصالحون وغيرهم، وكذلك العاصي. الله سبحانه وتعالى إذن مثلا المؤمن يمانج الكافر يمانج والعاصي يمانج. المؤمن يغسبير الكافر يغسبير. المؤمن يبوى الكافر يبوى. La nourriture, l'oxygène, la boisson, donc Allah il donne aux deux catégories. Pourtant, un groupe il obéisse et l'autre groupe il désobéisse. قال والعصا لا يزالون في محاربته. خاصة الكفار. خاصة الكفار. الكفار c'est des عصا, c'est des désobéis. Ils ont désobéi. لكن العصيان يتفاوت. عصيان المؤمن c'est pas comme عصيان الكافر. La désobéissance du mu'min, c'est pas comme celle du kafir. Bah, si on prend l'exemple du kafir, fa al-kafir yuharib din Allah. Al-kafir combat din Allah, il insulte et il se moque, et ma'a hada, Allah il lui donne. Qala fi muharabatihi wa takdhibihi wa takdhib rusulihi. Ça montre anna al-murad bi qawlihi al-usa, c'est al-kuffar. Amma al-mu'min la yukadhib wa la yuharib din Allah wa la yukadhib rusulah. Ça c'est min awsaf al-kafirin. قال والسعي في إطفاء دينه والله تعالى حليم صبور على ما يقولون. Vous avez remarqué que هنا il a cité les deux noms. لماذا؟ لأن les deux noms ils se ressemblent في المعنى. Et بعض العلماء, on répète, ils ont cité certaines différences. قال وما يفعلون يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم. صحيح. Le cas de beaucoup de kuffar, de mécréants, c'est à la hada. Yazdadoun fi shar. Jour après jour, mois après mois, année après année, leur situation se dégrade. Et ils s'empirent dans leur mécréance. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yutabi'u alayhim al-ni'am. Est-ce qu'avec le temps, ils perdent leur ni'am? La. Wa'aduhum yazdad ni'aman. Des enfants, de l'argent, des maisons, des commerces, des. Pourtant, c'est un ennemi parmi les ennemis d'Allah azza wa jal. Qala. وهو يتابع عليهم النعم وصبره أكمل صبر. صبر الله سبحانه وتعالى أكمل صبر. أنت en tant qu'être humain, le واحد il t'insulte, il se moque de toi, il te fait certaines choses, si tu ne réponds pas par la même chose, par un mal, c'est très difficile de patienter في هذا الحال. أما lui donner, ouais, il se moque de toi, il insulte, il te met en garde, et yuharibak, rubama yuharib ahlak ila akhire, et fil muqabil tu lui donnes, bah, hada, c'est, fi haqq al-adami, c'est, ça arrive pas, en général. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fa sabruhu sa akmal sabr. Revenez au hadith, yaj'alouna lahu al-walad wa huwa yu'afihim. Et le fait de dire que Allah il a un enfant, c'est du kufr bil ijma', c'est de la mécréance, de la grande mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala ma'a dhalik yu'afihim, il les guérit, il les préserve de certains maux et yarzuquhum, il leur donne min ni'am. Alors que c'est ses ennemis, s'il veut azza wa jalla, il est capable de tout, il les châtie, il les extermine et intahou. Lakin ça c'est min sabrillah subhanahu wa ta'ala. Fa sabrullah c'est akmal sabr. Donc min sifatillah azza wa jalla as-sabr. وليس كمثله شيء. لأن الإنسان كذلك، il est qualifié de patient. Il a de la patience. قال لأنه من كمال قدره وكمال غنى كأنه هنا عن كمال قدرة. قال رحمه الله لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمة وإحسان. أما كم من إنسان؟ si tu prends l'exemple de l'être humain, Même s'il a de la patience, كثيراً يصبر عن عجز. Et patience, l'être humain, كثيراً لأنه il n'a pas le choix. واحد il lui fait du mal, et il ne peut pas répondre. لضعفه لعجزه لخوفه ربما عيادا بالله يصاب بشيء من الجبن فلا يستطيع أن يقاوم ففي هذا الحال c'est un sabr qui est accompagné de ضعف, de faiblesse. Il patiente لأنه il n'a pas le choix. أما الله عز وجل وتأمل قوله لأنه عن كمال قدرة. Et c'est pour ça que الصبر في حق الله عز وجل c'est من الكمال. لأنه pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est patiente et il ne les châtie pas comme تقدم في اسم الحليم. لأن الله عز وجل il est متصف بالصبر وبالحلم وكذلك بالحكمة et كذلك بالرحمة. فلعله سوك أفر un certain temps il va reconnaître la ni'ma d'Allah عز وجل et il rentre في الإسلام. Comme من الناس ils sont rentrés في الإسلام. S'ils auraient été châtiés directement parce que ils n'ont pas cru, ils n'auraient pas pu se convertir. Et si Allah il les aurait châtiés, ça aurait été bihaq. لماذا لأنهم ما آمنوا. Ça nous montre صبر الله وحلمه et كذلك رحمته. Et هذا normalement, et c'est la thamara qu'on avait cité في اسم الحليم, ça doit هذا يثمر في قلب العبد الشكر. شكر هذه النعمة. La reconnaissance. أنه il n'oublie pas. On était rien et ربما on était في حالة سيئة. On était dans une situation très très mauvaise avant de suivre le Coran ou le Sunna. Celui qui ne suit pas le Coran ou le Sunna, il est dans une situation critique. Même s'il ne fait pas de mal aux gens, même s'il ne vole pas, même s'il travaille, le fait de ne pas croire ou de ne pas suivre le Nabi alayhi salatu wasalam, c'est du shar. Il y a beaucoup d'adillah fi hada qu'on a déjà cité. Celui qui a été guidé, ربما pendant longtemps il n'était pas muslim ou il n'était pas à la sunna, il a été guidé. هذا من حكمة الله ورحمته عز وجل. قال لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى كذلك أن الله عز وجل لا besoin de personne, c'est le غني. أما كم من الناس يصبرون. Pourquoi? لأنهم ils ont besoin. مثلا au travail بعض الناس يصبرون جدا. ربما le patron ou le responsable il se moque de cette personne, ربما il l'insulte, ربما il lui fait beaucoup de choses. يصبر. Pourquoi? لأنه il a besoin de ce travail. Allah subhanahu wa ta'ala يصبر pas عن عجز ونعوذ بالله لأنه c'est القوي il est على كل شيء قدير. Et là يصبر عز وجل عن فقر وحاجة parce qu'il a besoin ونعوذ بالله من هذا لأن الله عز وجل له نعوت الجلال وصفة الكمال. فسعن غنى كمال غنى عز وجل. Donc ça ça montre أن هذا الصبر c'est un صبر كامل et c'est من فضل الله عز وجل c'est تفضلا من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا besoin de personne, il craint personne عز وجل, c'est lui القوي العزيز. فتوصى فالحقيقة في مصلحة العبد ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإلا فسن نعمة عظيمة. قال عن الخلق وكمال رحمة وإحسان. هذا من باب التفضل والإحسان. أي الله سبحانه وتعالى يبسيط sur l'être humain pas parce qu'il a un besoin ou une crainte ou un manquement. أبدا لا. Tout ça c'est pour le bien de l'être humain. لأن الله عز وجل il est موصوف بالإحسان والرحمة والفضل والصبر والحلم etc. Toutes les sifat qu'on a vues ou certaines qu'on verra ensemble bi'idhnillah. قال الشيخ سعدي فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء الصبور الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل أمرهم. هذا من شكر الله عز وجل قوله فتبارك الرب الرحيم إلى آخره. هذا من الشكر. الشيخ سعدي يشكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بهذه الأوصاف العظيمة أنه سر رب أنه سر رحيم ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأنه سي الصبور. Et on en profite tous. On en profite tous. ما بالك أنت tu ferais une معصية أو une مخالفة أو tu aurais un manquement tu serais châtié. Ça aurait été بعدل. Ça aurait été de la justice. لأن cette personne a fait une mauvaise chose. لكن الله سبحانه وتعالى سر رحيم. Et il veut le bien pour ses عباد. ف فإن لغلس دائما دو طاي سي تو في التوبه كما تقدم معنا في اسم الحليم celui qui fait tawba Allah lui pardonne tout le mal qui était fait avant c'est pas pris en compte l'essentiel c'est que l'insan il fait tawba avec les conditions هذه c'est une rahma azima قال يحب الصابرين et ça c'est al-thamara qu'on avait cité في اسم الحليم الله سبحانه وتعالى يحب الحلم يحب ceux qui ont هذا الوصف فنحن نستفيد من هذا أننا نصبر على إخواننا. On doit patienter sur nos proches, entre nous. كما تقدم معنا أن si واحد fait une erreur معك فأنت كذلك tu as fait des erreurs. Si واحد il s'est trompé أنت كذلك tu te trompes. Et comme toi tu aimes que les gens ils patientent sur toi فأنت كذلك patiente sur eux. Allah سبحانه وتعالى يحب الصابرين. Et ça c'est une sifa tayyiba fil insan. Et on l'a vu كذلك في اسم الرفيق أن الإنسان il faut qu'il ait هذا الرفق وكذلك هذا الصبر وهذا الحلم خاصة celui qui veut propager دين الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل من فضله. Et on avait détaillé أكثر في اسم الحليم أي لثمرات concernant هذه المعاني العظيمة. قال رحمه الله الصمد هذا الاسم ثابت كما في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الصمد. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى الصمد أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبقي صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب. إلى ستي دو سنس هنا أن الله عز وجل سر الرب العظيم الكامل السيد أي أنه il a besoin de personne. هذا المعنى ça va ressembler à اسم الغني ça va ressembler à اسم الغني فالصمد من معانيه ça va ressembler à اسم الغني أي الله سبحانه وتعالى il possède tout il a les attributs parfaits il n'a besoin de personne وذكر كذلك et في الحقيقة ça va impliquer هذا أن الخلائق هي التي تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى فقوله والمصمود إليه مصمود على وزن مفعول أي ذكر الله سبحانه وتعالى سي الصمد il possède tout il a besoin de personne les créatures elles ont besoin de lui لأنه il possède tout هذا قوله وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب. Quand quelqu'un il est touché par un manque, par une épreuve, par une maladie, quand l'être humain il a un besoin, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut lui donner. Donc dans ce cas l'être humain il doit revenir demander à Allah azza wa jalla. هذا كذلك من معاني الصمد. أنه il est parfait, il a les attributs parfaits, il possède tout. Ça ressemble à اسم الغني, à المالك, الملك. Tous ces asma qu'on a vu. Et que ذلك, l'être humain, il a besoin d'Allah Azza wa Jal. Que ذلك, on a vu un ism très proche de هذا المعنى, ism al-qayyum. قال رحمه الله في جميع الحوائج والنوائب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قوله يسأله من في السماوات والأرض أي tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, ils ont besoin d'Allah Azza wa Jal. لماذا لأن العبد مهما بلغ ça reste un عبد ضعيف فقير qui a besoin d'Allah سبحانه وتعالى. قال فهو الغني بذاته فهنا إلى ستة اسم الغني لماذا لأن المعنى لقريبة الصمد ça ressemble à اسم الغني الغني c'est ذو الغنى ils traduisent par la richesse فالله سبحانه وتعالى il possède tout. قال بذاته فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم. جميع الكائنات أي المخلوقات. الكائنات سامين جمو كان يكون كائن. الكائنات الموجودات المخلوقات أي تتلك خاتجو فقيرة إليه بذاتهم. الله سبحانه وتعالى سلغني بذاته. Il a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. C'est le Hayy, c'est le Qayyum, c'est le Malik, c'est le Samad, c'est le Ghani. Tous ces noms qui montrent Al-Azama. Et Allah subhanahu wa ta'ala yamlik kulla shay. Amma Al-Abd fa faqirun bidhatih. Limadha li annahu sa makhluq. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. والله هو الغني الحميد. فتأمل هذه الأسماء. تقدمت معنا أن الله سبحانه وتعالى أما الغني ما أدري نسيت تقدمت أو ستأتي. تأمل سيدونك الله سبحانه وتعالى إلى الستة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إلى الستة لنو الغني. Après avoir montré que الإنسان il est فقير. Même s'il a du il, même s'il a de l'argent, il est faqir. Limada, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné, il peut lui reprendre quand il veut. Celui qui ne possède pas les choses, fil-haqiqa, il est faqir. Li'anna, même si tu as de l'argent aujourd'hui, demain tu peux tout perdre. Fahada, ça montre al-da'f wa al-faqr. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, faghaniyun bidhati, il possède tout. Et il donne à qui il veut, azza wa jal. قال فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم. Et هنا il a cité des exemples de فقر. الفقر c'est la pauvreté, الغنى c'est la richesse, الغني c'est Allah, الفقير c'est العبد. Et pour montrer أن العبد مهما كان il est فقير, l'être humain il est pauvre, il ne possède rien. قال في إيجادهم صحيح. Est-ce que quelqu'un il est capable de créer? Est-ce que quelqu'un s'est créé lui-même? Abadan. Même il mawjoud, c'est Al-Khaliq qui l'a créé, Azza wa Jal. Et Al-Khaliq, il est mawjoud. Subhana. Et on a vu cette masala, wajib al-wujud, il a akhiri, qu'on ne répétera pas ici. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les mawjoudas, toutes les makhloukats. Ça montre le faqr. Ça montre que l'être humain, il est faible, il a été créé. Qala fi ijadihim wa a'dadihim wa imdadihim. كذلك ما يتعلق بالرزق ان الانسان اللي dans le ventre de sa mère il peut rien. Qui c'est qui lui a donné dans le ventre de sa mère? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. ثم inna il est petit, il peut rien faire. Qui c'est qui lui a facilité? Des parents qui s'occupent de lui ila akhir, c'est Allah azza wa jalla. Et les parents qu'est-ce qu'ils lui donnent? Ils vont lui donner à boire, à manger. C'est min ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. قال بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه ليس لأحد منها غنى مثقال ذرة. يتأمل قوله ليس لأحد سانغلوب tout le monde. Si tu enlèves l'eau, فقط, les êtres humains ils peuvent plus vivre. وكذلك les animaux. Tu enlèves l'oxygène, فهكذا. Et si tu enlèves beaucoup de choses, فلا شك أن l'être humain il peut pas vivre. قال فليس لأحد منها غنى مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. أي toutes les créatures elles ont besoin d'Allah عز وجل. قال والصمد هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها. Donc من معاني الصمد أنه هو الرب الكامل إلى آخره. C'est le créateur, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui donne. Il a les attributs parfaits. Et كذلك من معانيه والصمد هو الذي تقصده الخلائق. تقصده الخلائق أي في حوائجها. Quand l'être humain il a besoin de quelque chose ou autre que l'être humain, une créature, elle est obligée de revenir à Allah عز وجل. Celui qui a besoin de la guider doit revenir à Allah. Celui qui a besoin de la guérison il doit demander à Allah. Celui qui a besoin de manger, d'avoir des enfants, il a agré, il doit demander à Allah. C'est Allah qui donne tout. قال هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Vu que nous on possède rien, Allah il possède tout. Celui qui possède rien, il est obligé de demander à celui qui possède tout. ومن هنا يتبين بطلان المذهب الخرافيين القبوريين أنهم عياذا بالله ils ont des besoins comme tous les êtres humains et ils demandent à des morts. Qu'est-ce qui va te donner هذا الميت؟ Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Samad, c'est le Hayy, c'est le Qayyum, c'est le Malik, c'est le Qawi, c'est l'Aziz, c'est Al-Rafiq. Tous les noms qu'on a vus ils montent, tous ces noms في الحقيقة ça montre qu'on doit demander à Allah عز وجل. On doit revenir à Allah Azza wa Jalla, on doit l'adorer. Et tu trouves qawmun, iyadun billah, il demande à des morts. Qu'est-ce qui va te donner le mort? Il est mort lui-même. Il pourrait faire quelque chose, il ne serait pas mort. Il pourrait vraiment faire des choses comme il prétend, il saurait redonner la vie. Et il pourrait donner la vie, il ne serait pas mort. Aslan. Ça montre, iyadun billah, avec le kufr, as-safaha. Ou illa celui qui réfléchit, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à celui qui a ces choses. Enfin, qui c'est qui a la guidée? Qui c'est qui peut faciliter à wahid qu'il se marie, qu'il ait des enfants, il a, c'est Allah, Azza wa Jal. Tu trouves, minan nas, ila yawmina hada, annahum, ils vont visiter des tombes, iyadan billah, et ils demandent au wali bi kulli wudouh, al-walid, d'avoir un enfant, ou de l'argent. بعضهم لا غيدي وبعضهم عيادا بالله quand ils arrivent devant le qabr ils sont على un وصف عجيب اي من التذلل والخضوع والخشيه alors que هذه الاوصاف اي ces caractéristiques انهم ils sont concentrés ils se recueillent ils sont عيادا بالله soumis وربما ils les font pas في حق الله عز وجل ça montre الضلال. On sait que Allah se sent mal. Enfin, si tu as besoin de quelque chose, reviens à Allah Azza wa Jal. Et on fait attention là, de ne pas faire passer les asbab avant. Les gens connaissent ça. Lakin al-ghafla ou al-ma'asi, dha'f al-iman, à cause de la faiblesse de la foi, les péchés, l'insouciance, le manque de ilm. Ils ont besoin de quelque chose et ils oublient. Hada al-sabab al-azim. Ça, c'est la plus grande cause. Tu reviens à Allah. Tu demandes, tu places ta confiance. Thumma, la chèque que ça n'empêche pas de faire les autres causes. Tu as besoin de travailler, travaille. Celui qui a besoin de se déplacer, se déplace. Mais qu'il ne pas oublier هذا الأصل العظيم qui est fondé sur le sens de ce nom. الصمد. قال والصمد المغني الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم فهو الصمد الذي تصمد إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار قال ويفزع إليها العالم أي بفتح الله أي جميع المخلوقات بأسره أي كلهم وهو الذي قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه et ça c'est important et كثيراً dans ces دروس ولله الحمد ensemble on a fait le lien entre plusieurs noms plusieurs أوصاف. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Samad. Donc les créatures, ils ont besoin d'Allah. C'est pour ça qu'ils reviennent vers lui. Et كذلك, Allah subhanahu wa ta'ala, kamula bi'ilmi, il sait tout. Donc si t'as une haja, Allah il le sait, demande-lui. Mais le mort, il sait rien de ta situation. Il sait rien. Il t'entend pas. Il n'est pas capable de te donner. فكيف الإنسان يسأل مثل هؤلاء. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. C'est lui qui t'a créé. Il te voit, il t'entend et il est capable. Demande-lui. Et il aime que tu lui demandes. وَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُحِبْ. Il aime que tu lui demandes et il te donne. فَفِ الْحَقِقَ celui qui ne demande pas, il a un problème. إِمَّا il n'a pas la raison, il ne sait pas ce qu'il fait. إِمَّا عِيَدًا بِاللَّهِ il a un problème dans le cœur, un problème très très grave. خَاصَةً s'il demande à un autre. Il demande à un autre. مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ قَالَ وَيَفْزَعُ إِلَيْهِ الْعَالَمُ بِأَسْرِهِ وهو الذي قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه نعم وهكذا قوله وحكمته لا important هنا لأن الله سبحانه وتعالى c'est le حكيم أحيانا il t'éprouve tu lui demandes et il ne te répond pas directement اصبر الله سبحانه وتعالى il connaît ta situation tu lui as demandé et Allah il est حكيم ربما te donner cette chose maintenant ça te fera du mal et Allah سبحانه وتعالى c'est le حليم il veut ton bien لهذا si tu as compris هذه الأوصاف et ces noms الحقيقة الإنسان يسوغ دائما في خير. يدموند si c'est pas exaucé directement, il a un husn al-dhan billah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est le hakim. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il te prépare quelque chose de plus grand, yawm al-qiyama. Et peut-être qu'il veut t'éprouver avec cette épreuve et il t'exauce pas maintenant les hikmatin ya'lamuha. Et peut-être que cette chose, c'est un bien pour toi. Rubama, tu as des dhunoub, tu as beaucoup de choses et Allah subhanahu wa ta'ala, il te purifie, il t'élève. Ma ba'd an-nas, ils font du'a et yaqulun, j'ai pas été exaucé. Thomas, il demande à des morts. Thomas, quand il demande à des morts, il dit là, on mine Allah, ils ont pas été patients, et annahum kafaru billahi azza wa jalla avec hada al-fi'l. Annahum, ils demandent à autre qu'Allah, rubama, ils ont les choses qu'ils demandent. Ibtila. Antasbir. Cette dunya, c'est qu'un passage. Allah, il la donne à ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas. Qala wa qudratihi wa azamatihi wa rahmatihi wa sa'ir awsafihi azza wa jalla. Si tu as compris, هذا المعنى العظيم, فمن ثمرات الإيمان بهذا الاسم, on les a cités, là, qui là-bas sont, on les récapitule. هنا, أن الواجب على الجميع, c'est الرجوع إلى الله, سبحانه وتعالى. Quand on est touché par une épreuve, quand on a un besoin, et on a tous des besoins, et le besoin essentiel que tout le monde doit demander, c'est Al-Hidayah. On ne doit pas penser, via Al-Hal, dès qu'on explique ce genre de nom, on pense qu'à Dunya. Badanès, quand ils entendent le mot besoin, on a des besoins, ils pensent qu'à la nourriture, à l'argent, à se marier. Al-Sahl. Certains prophètes, ils ne se sont pas mariés, certains prophètes, ils étaient pauvres. Et dans notre dîme, nous, c'est une sunnah, c'est bien, celui qui peut, alhamdulillah. Lakin, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas l'objectif. Ça arrive, alhamdulillah, ça arrive pas, usbir. Là, le besoin qu'on a tous, c'est al-hidayah. Donc, al-rujou'ahuna, ay, demander al-hidayah. Kadhalik, min al-fawa'id, al-tawakkul ala Allah. Si tu sais que Allah se samad, donc celui qui possède tout, et il donne à qui il veut, fatawakkul alayh. C'est pas les gens qui guident. C'est pas le grand nombre qui va t'élever. Abadan, celui qui guide, celui qui donne, celui qui préserve, c'est As-Samad Azza wa Jal, c'est Allah, Subhanah. Kadhalik min al-fawa'id, bien sûr, al-du'a. Farrujou ila Allah, bi al-tawba wal-inaba, etc. Wa al-tawakkul alayh, on place notre confiance en lui, il n'y a que lui qui peut nous donner, personne d'autre. Et kadhalik al-su'al. Et c'est le point qu'on a cité au départ. Et on répète, al-su'al, c'est pas que l'argent, c'est pas que dunya. Demande a'zam min dhalik. Demande al-hidayah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite fi dunya wa fi l'akhira. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana wa qina azab al-nar. Ta'ammal mithl hadha ad-du'a. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya le bien. Vous avez remarqué que dans le du'a, c'est pas cité argent, là le bien. Le bien, ça peut être dans la pauvreté, ahyanan. Ma tadri, ce qui est bien pour toi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, al-khayr fi dunya. Atina fi dunya, hasana. Wa fi l'akhirati hasana. Kadhalik l'akhir. Qu'Allah y te facilite. Wa qina adam al-nar. Qu'Allah y te préserve du feu. Si tu as ces trois choses, tu es guidé fi dunya. Tu es guidé fi l'akhira. Tu es guidé fi l'akhira, ay, ila al-na'im. Et tu es préservé du châtiment, tu as tout gagné. Même si tu meurs pauvre. Même si tu t'es pas marié. Même si tu as été éprouvé, tu seras à la khair. Fafi ad'iya, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-jami'a, ya du khair azim. Et on avait commencé à expliquer quelques, on avait fait un dar sur un dua, et on essaiera de continuer à expliquer, mitl hadhihi al-ad'iya al-tayyiba. Fahada wallahu a'lam. Qala rahimahullah ad-dar, le troisième nom. On peut lire ensemble aujourd'hui, s'il reste du temps, là, baqiya shay min al-waqt. An-nafi' ad-dar. Il a cité deux noms. Wa taqaddam amma'ana. Au début du livre, na'am, ism al-basit. Et il avait cité plusieurs noms. Al-qabid wal-basit, wal-khafid wal-rafi' wal-mu'iz wal-mudhil, wal-mani' wal-mu'ti, et ad-dar et an-nafi'. Et on avait vu un بعض هذه الأسماء لم تثبت. Et parmi ces noms, الضار et النافع. لم تثبت هذه الأسماء لم نعلم دليلا عليها. كذلك on avait lu كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه. Et هنا نقل celui qui a rassemblé les paroles de الشيخ السعدي un autre كلام فنقراه. وقبل ذلك النافع الضار, donc on n'a pas de دليل أن ces deux noms c'est des noms d'Allah سبحانه وتعالى. بل الشيخ ابن عثيمين ذكر أظن شيئا في شرح النونية. نعم إلى سيتي لا parole d'Allah عز وجل الشيخ ابن عثيمين في شرح النونية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أن الله سبحانه وتعالى يا أكن دوت أنه هو الذي si il veut, il facilite les causes de khayr à qui il veut. Et هو الذي كما قال إن يمسسك الله بضر, ceux qui sont touchés par un mal, c'est بقدر الله عز وجل. فلا شك أنه بإذن الله سبحانه. فهذا ثابت من باب الإخبار أن الله عز وجل الضار النافع. Tout ce que l'insan il a comme manafi, comme bien, c'est min Allah. Et toutes les épreuves que l'insan il est touché par maladie, par égarement, yadam bil al-akhir, c'est min Allah. Yudhillu man yasha. Ça c'est min Allah. La shak. Lakin, déduire de hada des noms, fa kama taqaddam hada fi nadar. Asma Allah subhanahu wa ta'ala tawqifiyya. Et là, Allah, ces deux noms, est-ce qu'ils sont cités via hadith الذي فيه سرد الأسماء ربما يسون سيتي فالحديث أصلا إلى ضعيف. قال رحمه الله من أسمائه الحسنى. On a vu ensemble أن الراجح c'est qu'on n'a pas de دليل, لكن بعض العلماء comme الشيخ سعدي أثبتوا هذه الأسماء. ما يؤتي به مفردا ويؤتى به, نعم يؤتى comme la deuxième. من أسمائه الحسنى ما يؤتى به مفردا ويؤتى به مقرونا, نعم كأنه يؤتى لا بخمير كم لا دوزيم. أما هنا هنا لي دو بوين دو يا. قال ما يؤتى به مفردا ويؤتى به مقرونا مع غيره وهو أكثر الأسماء الحسنى, فيدل ذلك على أن الله أن لله كمالا من إفراد كل من الإسمين فأكثر وكمال من اجتماعهما أو اجتماعها. هذا تقدم معنا أن بعض الأسماء ils sont cités avec d'autres noms et le nom seul, là chaque que tu vas comprendre un attribut parfait, et quand un autre nom il est cité avec الحقيقة tu vas avoir encore des autres sens معاني عظيمة. Et on l'a vu هذا في القاعدة المتلى ربما dans ce livre. قال ومن أسمائه ما لا يؤتى به إلا مع مقابلة الاسم الآخر. Donc certains noms ils sont cités seuls et أحيانا ils sont cités avec un autre nom, et quand ils sont cités avec un autre nom ça rajoute des معاني, des sens عظيمة, et tu profites أنت si tu as compris pourquoi Allah سبحانه وتعالى il a cité ce nom et ce nom. Et on l'a vu كثيرا هذا dans قاعدة المتلى et dans ce livre. Certains noms كما قال ومن أسمائه ما لا يؤتى به إلا مع مقابلة الاسم الآخر. Certains noms tu peux pas les citer seul, comme النافع. Tu peux pas citer النافع. Si tu cites النافع tu dois citer الضار. لماذا؟ لأن les deux, avec les deux noms تستفيد une صفة كاملة. أما un nom فقط مثلا الضار, si tu dis أن الله عز وجل c'est الضار sans citer النافع هذا لا يفيد الكمال. فالذين يثبتون هذين الاسمين يشترطون ان il faut que les deux noms ils soient cités, ils vont ensemble النافع الضار. Et ceux qui disent que les noms اصلا il faut un dalil pour attribuer ces deux noms à Allah عز وجل فالامر il est واضح. قال لان الكمال الحقيقي تمامه وكماله من اجتماعهما وذلك مثل هذه الأسماء وهي متعلقة بأفعاله الصادرة عن إرادته النافذة وقدرته الكاملة وحكمته الشاملة. اي نحن غبت من باب الاخبار نعم يجوز باب الاخبار اللي اوسع لفت دانفورمي مثلا دير الله سبحانه وتعالى سي المتكلم اي اخبار ان الله يبال هذا لا باس به اما دير ك المتكلم من اسماء الله فهذا لا لانه يفو ان دليل ففرق بين الاخبار والاسم يتقدم معنا ان باب الصفات اللي اوسع كباب الاسماء باب الإخبار إلى أنكور أوسع فلهذا من باب الإخبار لا بأس أي pour informer pas de mal لما تجيخ كسدينو فهذا فيه نظر قال فهو تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية مثلا هذا المعنى لا شك فيه قوله النافع هنا si on le dit c'est من باب الإخبار pour nous أما الشيخ سعدي رحمة الله عليه lui il a choisi le قول que c'est un اسم comme d'autres savants فالله سبحانه وتعالى سنافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية فتوت لمنافع لمنافع سامين دو منافع النفع سي سكي تو با بروفيتي سكي با تيتر اوتيل كوم لا غيدي كوم لارجون كوم تو سا سي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله قال الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك الضار أي سي الله سبحانه وتعالى الضار سامين دو Vous connaissez le mot darar, la darar ou la dirar. Adhar, c'est ce qui te fait du mal. Mathalan, une maladie, mathalan, une sentence, mathalan, wahed, il est prouvé par une chose de mauvaise. Enfin, tout ça, c'est minallah. Qala faddar liman fa'ala l'asbab. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Enfin, si quelqu'un subit un mal, mathalan, wahed, il est dans un pays qui applique le sharia, il se fait couper la main. Mais à chaque c'est un darar, il perd sa main. لكن c'est lui qui a été la cause il aurait pas volé personne lui aurait coupé la main فهذا قوله الضار لمن فعل الاسباب التي توجب ذلك il a volé la sentence pour le voleur c'est que il se fasse couper la main فلا يلومن الا نفسه هذا لا شك que perdre une main c'est un mal l'être humain il a besoin de ses deux mains لكن c'est هو بعض الناس مثلا ils font un accident de la route لا شك يا ضرر عظيم ربما يفقد leur véhicule ربما يفقد l'usage de certains de leurs membres ربما يموت ربما يسون dans le coma مهم اضرار عظيمه si السبب سلبي roulait vite il a grillé un feu c'est de sa faute il a fait des causes et ces causes ça a été la conséquence انه il a subi un mal والا فالله سبحانه وتعالى tout ce qu'il fait c'est بحكمه c'est pour ça que vous avez remarqué que لما قال النافع لمن شاء من عباده لا با سيتي الاسباب الشيخ سعدي لا با سيتي الاسباب الخير من الله لا شك اما في الضار قال الضار لمن فعل الاسباب لماذا لان الله عز وجل son فعل هنا الفعل سي القدر الله سبحانه وتعالى سيلا ديكريتي كو ان تيل il sera touché par une mauvaise chose le décret c'est du khair اما الشر او الضرر او سفي المخلوق سفي المفعول هذا ربما لا اتجي انصم العقيده او اون لو فيغا والشر ليس اليك اي بارابور ا سو حديث قال وللاسباب او قبل ذلك وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونيه تو سا سي فوندي سور الحكمه الله سبحانه وتعالى يجيد كي فو ليغار كي فو مثلا واحد كي سيغار لا شك سي ان مال كي سي كي لا ايغاري سي الله سبحانه وتعالى اسكو الله لا ايغاري سان كوز ابدا سي سيغاري سي كي ا دي كوز اما الى با فولو اكسبتي الحق اما الى با ايكوتي النصيحه اما اي سان تيت اما اي سوي افغليمون اما يا اون كوز ف ليغارمون سي ان مال سيت اتر هومان بوكو اي سيغاري يا دي كوز كي سي كي لا ايغاري سي الله Donc pour bien comprendre هذا الخبر أن الله سيأذار pour bien comprendre ما ذكر هنا حتى لا يلتبس عليه قال وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتها ومسبباتها فإن الله تعالى جعل مقاصد فإن الله تعالى جعل مقاصد للخلق وأمورا محبوبة في الدين والدنيا وجعل لها أسبابا وطرقا وأمر بسلوكها ويسرها لعباده غاية التيسير. الله سبحانه وتعالى جعل للهدى ولطريق الخير دي كوز. كذلك نوزا فاسيليتي avec les messagers عليهم الصلاة والسلام. Il a révélé des livres. كذلك à notre époque les savants. كذلك les livres. كذلك ceux qui font nasiha, ceux qui te montrent. كذلك si tu t'es pas trompé, si tu t'es trompé, tu savais pas, t'es pas pris en compte. Tout ça c'est pour te faciliter. Une hasana les multiplier. هذا أولا. قال فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع. فتأمل هذا الكلام. Celui qui fait هذا السبب, celui qui fait هذا السبب, ça va le pousser بإذن الله عز وجل à emprunter le droit chemin et il va profiter. في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا il va profiter لأن الله عز وجل il l'a guidé et في الآخرة bien sûr avec le, la récompense. قال ومن تركها أو ترك بعضها أو فوت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه وليس له حجة على الله. العكس celui qui délaisse هذه الأسباب أي les causes de la guidée, il veut pas apprendre, il veut pas écouter le conseil, il veut pas arrêter les péchés. بعضهم عيادا بالله plus grave les kuffar, ils veulent pas croire. فهؤلاء لا شك ils ont fait des causes pour s'égarer, Allah il les égare et ils seront touchés par le châtiment rubbama fi dunya avant l'au-delà. Fa hadha ad-darar qui va les toucher, c'est eux la cause. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait qui a guidé le premier qism? C'est Allah. Qui sait qui a égaré le deuxième qism? C'est Allah. Et les deux groupes, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a facilité les causes. Man yadhkur dalilan sur ces deux groupes? أوضح نعم فأما وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فتأمل هذا tout ça c'est les أسباب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى il a fait les causes فسنيسره لليسرى tout les منافع qui va profiter في الدنيا et في الآخرة c'est من الله il a fait les causes il a cru et il a fait des a'mal, sadaqa, ila akhir. Le deuxième qism. Wa amma man bakhila wa istaghna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Ay fi ad-dunya wal akhirah, il sera touché par des mauvaises choses. Al usr, c'est le contraire de l'yusr. Al usr, c'est la facilité. Al usr, c'est la difficulté. Al usr, c'est un naf', c'est le khabar qu'on a dans notre dars là, et al-usr c'est al-dar. Tu peux citer, mets une note là et tu recopieras al-dalil pour te faciliter la compréhension. قال فلا يلومن إلا نفسه وليس له حجة عند الله. Celui qui n'a pas fait les causes, qui s'est égaré et il est touché par un mal في الدنيا ou في الآخرة فهذا لا يلومن إلا نفسه. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. لماذا؟ لأن الله عز وجل lui a facilité, lui a montré. Il lui a montré par l'intermédiaire de certains sa'ibat, imma messagers, imma ceux qui ont suivi les messagers. وليس له حجة عند الله. Il n'aura aucune excuse عند الله. Qu'est-ce qu'il va dire? هذا ça nous montre أن celui qui ne savait pas, qui n'avait pas d'ilm, si on qadr واحد, personne lui a montré, il n'a jamais entendu parler de l'islam, هذا il a une حجة عند الله. C'est pour ça que j'ai vu le hadith أن الأصم والمجنون كذلك أهل الفطرة يوم القيامة ils ont une excuse. مثلا بعض الناس ils sont sourds, muets, aveugles. Même il y a un messager en face de lui, il peut pas entendre, il peut pas comprendre rien du tout. هذا s'il meurt يوم القيامة il est éprouvé. Il a une حجة عند الله. مع هذا الله il est juste, il est éprouvé يوم القيامة. أنت cette épreuve que tu as eu في الدنيا هو اللي غا في الآخرة dans l'au-delà. هكذا أهل الفطرة. أهل الفطرة c'est ceux qui ont été entre deux messagers. Ils ont pas connu le messager qui était avant eux, ils ont pas connu le messager qui était après eux. أي الحجة ما بلغتهم. Ils ont pas su, ils ont pas, personne leur a montré. هؤلاء يوم القيامة ils seront éprouvés. هكذا المجنون. هكذا المجنون واحد il est né et quand il grandit il est majnoun et il meurt majnoun, il a jamais eu la capacité de comprendre les choses, il sera éprouvé يوم القيامة. هكذا بعض العلماء يقولون هكذا أطفال المشركين. أما أطفال المؤمنين ils sont في الجنة. Les enfants des musulmans, ils sont celui qui n'importe quel enfant qui meurt parmi les enfants des musulmans, il est fil jannah. Amma les enfants des mushrikin, fa ba'd ulama yaqulun hakadha isurun éprouvés. Limadha li'annahum ils étaient petits, ma balaghatuhum al-hujja. Ils n'ont pas atteint l'âge pour comprendre, fa isurun éprouvés yawm al-qiyamah. Ba'd ulama ils disent ils sont fil jannah. Na hada sa khilaf qu'on détaillera pas ici, lakin pour vous montrer qawluhu wa laysa lahu hujjatan 'ala Allah. Amma celui qui a su et Allah il lui a facilité les causes pour pouvoir être guidé et il refuse, فهذا, il peut s'en prendre qu'à lui-même, عيدن بالله. قال فإن الله أعطاه السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة. Vous avez remarqué, si tu réfléchis là, tu médites, قوله السمع والبصر والفؤاد. Celui qui n'a pas السمع والبصر, il ne voit pas, il n'entend pas. Comment tu vas lui montrer? Tu vas, هذا il est excusé. Celui qui n'a pas le fouad. Le fouad, c'est le cœur. Et as-sahih, bien sûr, عند المسلمين, c'est que le aql, il est dans le cœur. Donc le majnoun, il a un problème dans son cœur. Il n'a pas la raison. هذا كذلك, il est excusé. Même s'il voit et il entend. قال والقدرة وهذه النجدين. نعم, هذه النجدين. وهديناه النجدين. في سورة البلد. فلعله c'est une ishara ila sourah. On verra par rapport à ce qui est après. وَهَذِهِ النَّجْدَيْنِ وَبَيِّنَ لَهُ الْأَسْبَابُ وَالْمُسَبِّبَاتُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ طَرِيقًا يُوصِلُ إِلَى خَيْرِ الدِّينِ وَلَا دُنْيَوِي. نعم, فالنجدين c'est طريق الخير الحق وطريق الشر. Et par rapport au kalam qu'il a cité avant, فلا شك المعنى c'est هذا. النجدين c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré, on a cité les versets من سورة الليل. Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré tariq al-haq et il y a des causes, et tu connais tariq al-batil et il y a des causes. Tu as le choix. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. L'insan, celui qui veut croire l'asbab, il croit, personne ne t'empêchera. Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. قال وَلَمْ يَمْنَعْهُ طَرِيقًا يُوصِلُ إِلَى خَيْرِ دِينِ وَلَا دُنْيَوِي فَتَخَلُّفُهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَأْلُومُ. Vu que Allah nous a tout facilité, le chemin de la vérité, il est clair. Le chemin du batil, de la mécréance et l'akhir, il est clair. Celui qui choisit la mécréance, il peut s'en prendre qu'à lui-même. On peut citer un autre cas, si wahid, il est forcé. Maintenant, le chemin de la vérité, c'est de se prosterner que pour Allah Azzawajal. Le chemin qui contredit cette voie claire de la mécréance, c'est se prosterner pour autre qu'Allah. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah volontairement, iyadun billah, il sort de l'islam. Wahid l'an, il est forcé. Il veut pas huwa, lakin on le force. Et il se prosterne devant une statue, lakin son qalb walillahi alhamd mutma'inun bil iman. Fala shak annahu excusé inda Allah. Qala fatakhallufu an hadhihi al-umur yujibu an yakun huwa al-malum. Al-malum qawluhu fala yalumanna illa nafsahu. Al-malum, c'est il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est lui le responsable. Et al-shar et al-fasad, ça vient de lui. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout qadr, lakin il t'a facilité d'a donner le choix. Le shar, il vient de l'être humain, il vient pas d'Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, tout ce qui l'ordonne, tout ce qu'il décrète, c'est du khayr et c'est fondé sur l'hikma. Qala an yakun huwa al-malum 'alayha al-madhmum 'ala tarkiha. C'est pour ça que l'être humain il rendra des comptes. Et min huna, tu comprends mieux l'égarement de Al-Jabriya. Al-Ladina yaqulun, et on a étudié Wallahi al-Hamd cette secte. Al-Ladina yaqulun, al-insan, il n'a pas le choix. Si al-insan, il s'égare, il fait du shor, il a akhiré, fa'indahum, c'est Allah qui a qaddar. Huwa, il y est pour rien. Ça, c'est min abtal al-batil. Al-insan, il est responsable de ses faits et gestes. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Wallahu ta'ala, a'lam. فلا شك أن celui qui a compris هذه المعاني العظيمة أنه il fait des efforts pour faire du khair, il fait des efforts pour s'écarter du shar. كذلك tout ça c'est بتوفيق الله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى. C'est Allah qui facilite. L'insan il fait les causes et yatawakkal ala Allah. Et كذلك il fait les causes pour s'écarter du mal et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Naktafi bihada. Et on passe à notre deuxième dars inshallah ta'ala. On a vu ensemble aujourd'hui Ism al-Shahid, on l'avait déjà étudié ensemble auparavant, donc on ne s'est pas attardé. On a étudié Ism al-Sabur, Ism al-Samad. Ism al-Sabur, on a dit, al-Sawab, c'est que c'est une sifa. An Allah, il est muttasif al-Sabr. Am al-Sabur, il n'y a pas de délil. Ala hada al-Ism, wallahu a'lam. Al-Samad, c'est clair. Et on a fini par ces deux noms qu'on avait déjà vus auparavant, lakin, huna, Cheikh Saadi, la cité des ma'ani azima, et al-Sahih, c'est que ces deux noms, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est des noms d'Allah, on ne connaît pas de dalil ala hada, et les ma'ani qu'il a cité Cheikh Saadi, fa jamila.